H1000 présente. Une carte postale sonore, d'ici, de là-bas, d'ailleurs. Pour le plaisir de vos oreilles, bonne écoute. Auditeurs, auditrices. Bienvenue. On vous applaudit même. Vous êtes non pas un dimanche à Bamako, vous êtes un dimanche à Bratislava. Bratislava, capitale de la Slovaquie. Se balade avec vos oreilles, auditeurs, ou c'est plutôt vos oreilles qui se promènent, entraînées par les ondes de la radio et de cette carte postale sonore, la bande son du voyage avec H1000. C'est plutôt calme, ce centre-ville qui est en fait l'ancienne citadelle de la capitale, qui comporte son célèbre château et aussi sur les hauteurs un monument dédié à l'armée russe qui a combattu les Allemands durant la libération. Les rues sont pavées, restaurants, vieille ville, et vos oreilles toutes ouvertes. Et Bratislava s'ouvre au tourisme car il y fait bon vivre. La température est plutôt chaude comparée à celle que l'on peut avoir en hiver. Et donc beaucoup de touristes, beaucoup de nationalités passent dans cette ancienne citadelle. On continue. C'est parti. Thank you. Yes. Je ne passe pas inaperçu. Et auditeur, auditrice, c'est la rue, la capitale slovaque, qui vous inspire. Elle est là, blottie. Dans le creux de vos oreilles. This is your first time in Slovakia? Yeah, it's my first time in Slovakia. Okay. And you like it? Well, I've been in Slovakia for like a week now, but it's really good. Okay. Really? Yeah. Okay. People are nice. That's why I'm getting angry at Irish people. I need to help you. No, I need to help you. I'm getting angry. Du rosé, quoi. Montre du rosé. Je viens d'arriver là. I need to learn French, so like, you need to teach me. Oui? I need to learn French, so you need to teach me. Ah, elle parle un peu français. Elle parle un petit peu français. Ah, un petit peu. Un petit peu. C'est du bon rosé. Bon rosé, c'est. C'est du bon rosé. C'est une belle ville aussi, Bratislava. C'est là, la vieille ville est magnifique. Plus lentement, s'il vous plaît. Tout à fait, tout à fait. Bratislava, la vieille ville est beautiful. Ah, je sais pas. Moi, c'est un asshole. Tu vis ici depuis longtemps à Bratislava? Oui. Et c'est une belle ville, elle te plaît? Je sais déjà que Bratislava comme est. Nebudem se s vami bavit. Prečo? Pretože se s vami bavit nebudem. Áno, idú páre. Dobre, vediak. T'as remarqué, Patrick, quand on a rencontré monsieur, que t'as posé la question qu'il a un peu peur? Il se méfiait un peu, t'as remarqué? C'est vrai que le micro aussi, peut-être... Oui, mais je sentis un peu comme avant, je sais pas ce que... C'est dû à quoi, cette méfiance? Mais moi, je pense que c'est encore à l'époque de communisme, que les jeunes, ils ont été tellement poursuivis et dénoncés par presque ta famille. Ça arrivait que frère a dénoncé son frère, fils, son papa, son père... C'était malheureux, mais c'était comme ça. Et je pense que même si ces générations d'aujourd'hui, peut-être ça restait un peu donc, dans la mémoire de l'héritage, ça, l'héritage du communisme, en quelque sorte. Je pense, malheureusement. Où les gens sont méfiants, ont du mal à s'exprimer. Je le sentis un peu comme ça. Parce qu'au début, il a été waouh, venez français, tout ça. Et d'un coup, quand tu as dit que est-ce que je peux vous poser quelques questions, il y avait une. KGB. Oui. Il y avait quelque chose que ça lui bloquait. En quelle année, donc, vous avez eu l'indépendance? Ah, après la chute du mur, donc. Oui, c'était ça. Parce que chute du mur, c'était 89. Et indépendance, c'était... 91, alors. 80... Attends, c'était... Chute de l'URSS, c'est 91. Oui, donc c'est assez récent, quoi. C'est assez récent, mais... La 2018. En tous les cas, ils se sont mis quand même au capitalisme très vite, hein. Puisque dans le centre-ville, il y a beaucoup de boutiques, de bars, et des boutiques avec des enseignes très connues par chez nous. Je ne les nommerai pas. Donc vous êtes toujours à Bratislava, rue piétonne, que l'on remonte délicatement. Keď vám dá pohár, tak ja vám nalejem toto, čo je načaté, tak z toho vám môžem dať. Len si musíte zohnať pohár, lebo pokým sa to pobalí, to tiež chvíľu trvá. No, musíte ísť s nimi, on tam je, tuto na konci, čo je to veľké biele auto, máme umývačka poháru. Tak keď vám dá pohár, dojdete sem, tak samozrejme vám nalejem, čo tu je všetko načaté. No, on va chercher des verres. Voilà. De vignoble de Bratislava. Qui est un vignoble réputé. C'est un vignoble réputé en Europe. Il n'y a pas que le Bordeaux. Hein. C'est pas que le Bordeaux. Demande-lui la caractéristique de ce vin. Charakteristika tohto vína, že či by si tak... Viete čo, taká ovocnosť, ono je to ťažko povedať. Čo sa týka toho Rulandu, lebo to není až taká bežná odroda u nás. Mm-hmm. Aby sa to mohlo akože prečítať z nejakej knižky, že jak to charakterizovať. Se asi exceptionál, se type de raisin. Môžete teraz ochutnať, chcel by som vám dať. Ok, on va déguster. Ale na zdravie, Jan Slováka. Na zdravie. Alors, il est doux, sucré. Moelleux. Cukornatosť podobná. Tá mala 21, toto malo 21,5. Je sais pas comment on dit. De sucre, c'est 22,5. L'échelle de sucre, c'est 22,5. D'accord. Jediný rozdiel je tam jeden rok. Toto je 2015. Et ça, c'est l'année 2015, ça veut dire l'année avant. Ouais. Tu vas voir un peu la différence, il a dit. Parce que chaque année, c'est alors, assez différent. Goûte. Deuxième. Il va goûter avec moi. Ah. Donc, na vašu úrodu. Celui-ci est moins sucré. bruit de l'air plus fort. Musíme prejsť na červené, teda medzi tým na ružové. Toto je troška menej sladké. To je tým vekom, ono to skryto prerobilo. Parce que c'est moins sucré, comme ça reste plus longtemps. Alors l'âge, ça reprend le sucre. D'accord. Il y a beaucoup de producteurs de vin en Slovaquie. Je suis veux ľudí, ktorí vyrábajú víno v tejto oblasti alebo na Slovensku, či to tak zhruba nejako. Je ich stále menej a menej. Tak ja tu žijem moje zemlis. A prečo? Ak sa môžeme povedať? Difficile. Veľa práce je, nie? Veľa práce, a ľudia už nie sú zvyknutí, jak boli predtým. Mm-hmm. Ale sa to mení, lebo regionálne víno stále začína byť viac a viac populárne. Takže tí, čo vydržali, tak teraz zberajú trochu úrodu. No a úrodu, no. Toujours moins et moins les gens qui produisent du vin, parce que confort, on aime beaucoup, alors on devient un peu paresseuse. Par contre, eux qui sont tenus... Eux qui travaillent vraiment dur. Voilà, alors maintenant, ça, ils sont quand même recommencés, parce qu'aujourd'hui, les vins comme ça, faits à la maison, c'est très très précieux. Oui, donc, en résumé, c'est un vin traditionnel quasiment bio, et qui demande beaucoup de travail, et donc avec la mécanisation, finalement, il y a moins de gens qui s'y collent. To je Frankovka modrá, hon Urbánek, neskôr zber 22, Maligamov to malo pri zbere. A ročník to hovorí? 2017. Sa le vin rouge 2017. En tous les cas, auditeurs ont fait la totale. Aha. Ďakujem. Encore trois verres. Par terre. C'est bon? C'est très bon. C'est à Chmiel, en Slovaquie. C'est du direct. Rien n'a été préparé. C'est ce que j'aime. On est arrivé il y a à peine 20 minutes. On a rencontré pas mal de gens. Et ces producteurs qui, sur cette place, font des dégustations de vin. Celui-là, il a été concentré dans une dans les vieux fûts. Oui, oui, oui. Alors c'est la différence entre à tout à l'heure et lui. Est-ce que on va sentir? En tous les cas, vous faites de bons vins. Bravo. Je robite, c'est vraiment de bons vins. Je bravo. Francis, que tu et c'est un français qui vous l'a dit. Je Francis, que tu vas me parler, t'as que tu aménages, non? Donc auditeur auditrice, si vous passez par Bratislava. Surtout, n'hésitez pas à aller visiter une cave directement comme chez nous dans le Bordelais, donc un caviste sur place, ou aller dans une boutique à Bratislava, il y en a de nombreuses, pour acheter du vin slovaque. Vraiment, ça vaut le coup. Je sature un peu, c'est pas grave. C'est une région très connue à côté de Bratislava. Tout à fait. Thank you. 22 heures, toujours dans la vieille ville de Bratislava. On s'éloigne un peu. Et je vous amène vous égarer dans une petite ruelle pavée, quasiment déserte. C'est le charme de Bratislava. Se perdre dans ces rues chargées d'histoire. Et vous déambulez On est en train de quitter la vieille ville. C'est du direct. Et on parvient